Je vous donne un ticket. Ce ticket, vous le donnez au caissier. Il vous donne votre argent. Vous êtes quelquefois distrait. Vous vous trompez. Vous égarez vos chèques de voyage. Ou bien vous les signez au mauvais endroit. Quelquefois, vous mettez la mauvaise date sur vos chèques. N'exagérons pas. En général, vous signez au bon endroit et vous mettez la bonne date. Vous êtes tous très aimables. Je suis à votre service. Au revoir, cher client.